Miss Alex White. Alors Jean-Christophe, vachement bien. Voilà, on sort un peu de la BD parce que quand t'es arrivé, en fait quand Chosy vient, il demande chaque fois à voir le programme vu que c'est un grand fan de rock'n'roll. Et donc c'est quand même pas courant les gens qui connaissent bien ce label In the Red. C'est-à-dire que ma filiation musicale est celle que tu évoquais tout à l'heure. Hein. Tu parlais d'un croisement Velvet, Cramps. J'ai beaucoup biberonné à tout ça et donc je reste assez attentif à tout ce qui peut continuer à explorer cette veine. Oui. Donc In the Red, à la limite, les yeux fermés, on peut quasiment faire confiance. Il faut tout acheter. Okay. Par exemple. On en a parlé avant de commencer. Là, je suis tombé il y a deux ans maintenant, je crois, deux ou trois ans, sur un petit groupe qui s'appelle les Hunches, qui est un groupe de la même région, quoi, autour des Grands Lacs, je sais pas si c'est Chicago, et qui fait énormément de raffus, quoi, enfin, qui cherche pas à se polisser. On peut même se demander s'il y a pas une espèce de raffinement dans la recherche des bruits les plus décapants, quoi. Et pour moi, c'est du vrai caramel, quoi, c'est un délice. The Hunches, qu'on vous a souvent proposé dans le rock show, deux albums au compteur. Alors on revient à cet album Rouge est ma couleur. Donc est-ce que on a l'impression maintenant que l'immense réservoir des nouvelles polars en littérature peut être un gisement important pour les auteurs de BD. Oui. En fait, une nouvelle de 30-40 pages correspond très bien à la longueur, on va dire, classique d'une bande dessinée. Alors celle-ci était plus longue. Hein. On est parti de ce que Marc appelle lui-même une novella, qui faisait quand même 90 pages à peu près. Donc un gros morceau de son recueil de nouvelles. Mais effectivement, la transposition est facile sur ce genre de longueur, et je pense qu'on va pas se priver d'aller puiser dedans. Alors ceci dit, on le découvre pas récemment. Il y a maintenant une vingtaine d'années que les auteurs de bandes dessinées, les dessinateurs de bandes dessinées, sont tentés d'aller vers ce gisement-là. Je crois que l'intitulé est bon. Pour plusieurs raisons. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est relaté dans un roman noir, c'est très iconogénique, enfin c'est passionnant à dessiner, c'est-à-dire qu'on est sur des territoires urbains délabrés, abîmés, qui sont passionnants à dessiner, avec des êtres eux-mêmes abîmés en proie à toutes sortes de tourments qui se reflètent sur leur visage, leur manière de s'accoutrer, et qui sont une véritable aubaine pour le dessinateur. Et puis je crois que c'est aussi c'est peut-être aussi à mettre en parallèle avec cette espèce de communion qui relie des genres littéraires qui restent, enfin je peux parler moins de la France, qui restent des sortes de parias quand même. C'est-à-dire qu'on est marqué du sceau de l'infamie, de la sous-littérature, enfin autant dans le polar que dans la bande dessinée. Voilà, ce qu'on appelait les sous-littératures. Oui, ça reste comme ça, et à mon avis c'est très bien. Enfin, je crois qu'on est très bien dans ce genre de ghetto, et on n'a pas besoin d'aller chercher des preuves de reconnaissance de qui que ce soit d'autre. On sait nous-mêmes très très bien que, tant en bande dessinée qu'en polar, qu'en science-fiction, ou Dieu sait dans quel autre médium infecté, ont été produits des chefs-d'œuvre. Et on emmerde la littérature officielle. Mais je crois en tout cas que ça crée des liens, quoi. Des liens naturels, quoi. Et moi, je me retrouve tout à fait à la fois dans l'univers et dans le statut que s'accordent des gens comme Marc Villard ou Thierry Jonquet. Pour moi, c'est des gens plus importants que ceux qui font les grands titres de la rentrée littéraire parisienne. Ben c'est pas de la littérature bière sans alcool, c'est de la littérature à haute teneur. C'est la littérature difficile, et c'est vrai que à la fois pour un dessinateur de bande dessinée, c'est relativement périlleux d'adapter le boulot de l'un comme de l'autre. Face au boulot de Thierry Jonquet comme à celui de Marc dans Rouge et ma couleur, on se trouve à devoir dessiner des choses que le texte permet de contourner, en fait, qu'il arrive à suggérer, qu'il arrive finalement à éluder en créant dans la tête du spectateur des images qui restent relativement floues. Quand on a à dessiner, bon, comme c'est souvent le cas dans les polars, on fixe. Et oui, on fixe. Et on fixe notamment et bien souvent des scènes qui sont crues, dures et très très violentes. C'est le cas dans les deux bouquins, Rouge et ma couleur, donc qui vient de sortir, et puis La vie de ma mère, où j'ai eu à dessiner des choses compliquées. Alors je dirais que c'est évidemment passionnant pour un dessinateur. C'est à chaque fois aussi une sorte de pari. Cette dureté-là, moi, si je bosse avec Villard et avec Jonquet, c'est précisément pour plus la contourner et arriver à faire à produire des bouquins qui soient sans compromis. La grosse difficulté, c'est d'être à la fois sans compromis mais sans complaisance. Hein, Et pas de voyeurisme malsain, complet. Ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on va, il faut pas s'attarder sur les seringues qu'on peut voir dans Bouger ma couleur. Faut pas donner le sentiment, quand je dessine une scène de viol dans Rouge et dans la vie de ma mère, que ça puisse être une scène qui crée du désir. Et ça, pour un dessinateur, c'est d'autant plus dur que la bande dessinée, c'est souvent laisser aller à ce genre de travers, à mon sens. Un travers voyeuriste qui permet de profiter d'un corps de fille à poil ou de baigner dans le sordide. Moi, c'est pas mon envie. C'est-à-dire que baigner dans le sordide, ça m'intéresse pas. Et exciter des mecs en montant des filles à poil, ça m'intéresse pas non plus. Donc je bénéficie là de textes de Jonquet comme de Villard qui vont dans le même sens. Mais passant à l'image, c'est vraiment très compliqué à faire. Effectivement. Enfin, en tout cas, moi qui parce que c'est vrai, en même temps, c'est un nouveau public, puisque j'imagine que la plupart des gens qui vont acheter la BD, on s'en doute pas. Mais il est difficile à trouver ce public-là, parce que les nouvelles de Marc Millar. Ouais, c'est-à-dire que nous, notre rêve, ça serait d'arriver à permettre une espèce de conjonction entre les deux. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec mon public qui est un public de lecteurs de bande dessinée. Marc, lui, un public d'aficionado du roman noir et plus particulièrement de son travail à lui. L'idéal, ce serait de faire en sorte d'intéresser mes lecteurs au boulot de Marc Villard et de faire en sorte que ses fans s'intéressent aussi au boulot que son œuvre permet en transcription en bande dessinée. Que ça soit facile. Bon, en tout cas, ne loupez pas les recueils de nouvelles de Marc Villard dans la collection de poche Rivage Noir, pour partie à la série Noire plutôt pour ses romans, parce que c'est vraiment très très fort. Et bon, ben tant pis, il est là, c'est pas de la flatterie. Je trouve que quand Chosy adapte du Jonquet ou du Villard, on est toujours traditoré, mais il n'y a pas trahison. Voilà, c'est une adaptation qui respecte l'œuvre et qui pour moi m'apporte un plus. Voilà, c'est clair. Donc ça double le plaisir, on va dire. Bon, plaisir rouge, rouge à ma couleur, Chosy Villard chez Casterman. The Rock Show.